Les chasseurs de nazis. Chapitre 4. Des agents en Argentine. Troisième épisode. Enlevé en mai 1960 à Buenos Aires, Adolf Eichmann est jugé à Jérusalem en avril 1961. Ces juifs étaient envoyés au camp d'extermination, oui ou non? Je ne le nie pas et je ne l'ai jamais nié. J'avais des ordres et je devais les exécuter conformément à mon serment d'obéissance. Malheureusement, je ne pouvais pas m'y soustraire et je n'ai d'ailleurs jamais essayé. En d'autres termes, vous étiez complètement passif, n'est-ce pas? Il doit faire face aux questions pressantes de l'accusation, comme en témoigne cet extrait du documentaire réalisé en 1998 par Ronnie Broman et Eyal Sivan, un spécialiste, portrait d'un criminel moderne. Passif, pas vraiment. Je faisais ce que je viens de décrire. J'ai obéi et j'ai exécuté ce qui m'avait été ordonné de faire. Vous dites que vous n'étiez pas un exécutant normal, que vous aviez votre part à la réflexion sur ces questions. C'est vrai, vous l'avez dit? Non, je ne pense pas. Vous n'y participiez pas? Pardon? Vous étiez un imbécile, vous ne participiez pas à la réflexion? Bien sûr que j'y participais. Vous n'étiez pas un idiot? Non. Je vois, vous étiez un idéaliste alors. Oui, j'étais un idéaliste. Dans la salle d'audience se trouve la philosophe allemande Hannah Arendt. Elle publie en 1963, deux ans après la fin du procès, un essai devenu célèbre, Eichmann à Jérusalem. Elle y développe la notion désormais devenue presque un cliché de banalité du mal. En 2013, la philosophe est incarnée à l'écran par l'actrice allemande Barbara Sukowa. Le problème avec un criminel nazi tel que Eichmann, c'est qu'il rejetait avec une grande véhémence toute implication personnelle. Il assurait qu'il n'avait jamais fait quoi que ce soit de sa propre initiative, qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire le bien ou au contraire le mal. Il répétait qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres. Cette excuse, typique des nazis, montre avec clarté que le mal le plus grand qui soit au monde est le mal accompli par des personnes normales. Le mal accompli par des personnes qui n'ont aucune motivation, aucune conviction, aucun goût pour la méchanceté, aucune tendance démoniaque, par des humains sans prétention qui refusent soudain d'être des personnes humaines. Et c'est ça le phénomène étonnant auquel j'ai donné le nom de banalité du mal. Bon, à l'époque, j'ai suivi le procès. Je ne me suis pas, à l'époque, posé de questions sur la banalité du mal ou non. Serge Klarsfeld. Une fois que j'étais impliqué dans ces problèmes, j'ai regardé le dossier Eichmann et j'ai considéré que c'était un homme d'une intelligence moyenne. Mais quelqu'un d'une intelligence moyenne qui passe son temps à se concentrer sur un problème devient compétent. S'il est compétent, bah, il obtient des résultats. Bah, Eichmann n'était plus un homme banal à partir du moment où il s'est investi dans l'action anti-juive, qu'il est devenu compétent, qu'on lui a donné du pouvoir. Bah, il a exercé ce pouvoir et il l'a exercé d'une façon efficace. Eichmann lui-même connaissait très bien le milieu intellectuel et on peut dire qu'il connaissait ses ennemis. La philosophe allemande Bettina Stangnetz, auteure de l'essai intitulé Eichmann avant Jérusalem. Hannah Arendt était juive, Hannah Arendt était une intellectuelle et dans l'esprit d'Eichmann, elle était son ennemi. Au même titre que les juges du tribunal, comme tous les journalistes qui couvraient le procès, comme tous ceux qu'ils regardaient en Israël, et comme toute la presse. Les nazis ont toujours considéré les journalistes comme leurs ennemis. Donc il avait eu assez de temps pour se préparer, réfléchir à la façon de se comporter au procès et aux déclarations qu'il ferait. Il voulait d'abord survivre. Difficile à croire, mais il était convaincu d'avoir une chance d'en réchapper. Et ensuite, il avait une mission. Une mission au nom de la culture allemande, pour le peuple allemand, pour la jeunesse allemande. Il voulait être un pédagogue, pas pour le monde entier, mais pour les Allemands, parce qu'il était nazi. Il voulait donc se servir de son procès en Israël comme d'une tribune pour faire passer ses idées et manipuler le public. Adolf Eichmann a été pendu cette nuit dans la prison de Ramleh près de Tel Aviv. 31 mai 1962. 10 personnes ont assisté à l'exécution de celui que le tribunal de Jérusalem avait condamné à la peine capitale pour avoir organisé et réalisé l'extermination de 6 millions de personnes. Devant les fonctionnaires, les gardiens et les journalistes qui l'entouraient dans la salle d'exécution, et alors qu'on lui passait la corde au cou, il prononça d'une voix calme : Vive l'Allemagne, vive l'Autriche, vive l'Argentine, trois pays que j'ai aimés. Je salue ma femme, ma famille et mes amis. À 23h58, un ordre retentit et la trappe s'ouvrit sous les pieds du plus grand criminel de l'histoire. Son corps fit une chute de 1 mètre et la mort fut instantanée. Conformément à la loi, le corps est resté pendu une heure après le constat du décès. Ce matin à l'aube, un communiqué officiel annonça que la dépouille d'Adolf Eichmann a été incinérée à bord d'une embarcation de la police et ses cendres jetées en haute mer. Il n'était pas facile, et cela reste difficile, pas uniquement en Allemagne, de reconnaître qu'Hannah Arendt s'est trompée, s'est tellement trompée sur Eichmann. La théorie de la banalité du mal occupe une place particulière dans la psyché allemande. Et par un détournement du propos d'Hannah Arendt, les Allemands se sont servis de la théorie de la banalité du mal comme excuse, dès le début. Hannah Arendt ne voyait pas les choses ainsi, bien sûr. Mais les Allemands ont très vite compris qu'avec la théorie de la banalité du mal, on pouvait trouver des excuses à pratiquement tout le monde. Et si, comme moi, vous contestez cette théorie dans le cas d'Eichmann, alors vous privez la société d'une excuse. Et cela reste un problème aujourd'hui, un sujet de débat. Les Allemands n'aiment pas se voir comme un peuple de tortionnaires, évidemment. Ce n'est pas facile d'être un enfant de ce peuple. Alors, pouvoir imaginer des masses de gens décérébrés, des bourreaux malgré eux, c'est bien plus facile à supporter. Et il est plus facile de vivre avec l'idée que vos ancêtres ne réfléchissaient pas à ce qu'ils faisaient, tout simplement, plutôt que d'accepter le fait que c'était des assassins convaincus. Donc tout ce débat sur Hannah Arendt et la théorie de la banalité du mal n'a pas le même écho en Allemagne que celui qu'il a dans d'autres pays. Ici, c'est une question qui touche aux histoires de famille, de tous bords. C'est une question de mythologie nationale. Aujourd'hui, un ancien membre du Mossad, Aver Abraham, organise des expositions sur le procès Eichmann. J'ai le catalogue de l'exposition sur le procès Eichmann et j'ai écrit un article à ce sujet. Je trouve cette exposition très discutable, vraiment. L'historien israélien Tom Segev. Je suis pour l'ouverture des archives officielles du Mossad et du Shin Bet. Bon, ils n'aiment pas reconnaître qu'ils conservent des archives, mais bien sûr qu'ils en ont. Et j'aimerais vraiment qu'elles soient déclassifiées comme d'autres documents officiels en Israël. Israël a une politique relativement libérale pour l'ouverture des archives officielles. Pas assez libérale à mon goût, mais plus libérale que beaucoup d'autres pays. Alors quelquefois, on apprend quelque chose à travers ces expositions. Mais d'un autre côté, le Mossad est une organisation absolument non transparente qui met en scène son propre mythe comme ils le font sur Internet. Et ils ne le font pas uniquement pour la gloire, pour l'histoire, mais c'est aussi un moyen d'attirer de nouvelles recrues. Mais bon, c'est quelque chose d'important pour entretenir l'esprit du Mossad, sa mythologie. Il faut traiter comme on traite n'importe quelle autre mythologie officielle. À demain. pour la suite des chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarade.